Pilou. Allez, je leur fais juste. Si Filou veut bien faire un petit solo, Filou. Ouais, à froid. Mais pour toi, c'est facile, là. J'arrive pas à mettre les paroles en grand, là. Attends. Là, ça fait mal, par contre. J'ai attrapé froid, moi. Pour te rattraper, faut un solo. On va laisser s'exprimer le guitariste. Moi j'aimais bien Kim Wilde. Elle trouvait un bon son. Thank you. ça. Merde.